Chapitre 12. Quand la CIA nettoyait le Vietnam et le Laos. Le premier engagement américain au Vietnam consista à envoyer du matériel militaire à l'armée française, qui tentait de rétablir son leadership au printemps 1950. Le soutien américain aux colonisateurs français n'allait pas de soi, car les États-Unis défendaient, en principe, le droit des peuples à l'autodétermination. Mais la menace communiste, la Chine soutenait le Nord-Vietnam, fit taire les grands principes. Le soutien logistique de l'armée américaine alla croissant. En 1954, il se chiffrait à 1,4 milliard de dollars, soit les trois quarts du budget français consacré à la guerre. Ce soutien n'empêcha pas la défaite des Français, mais fut décisif par la suite pour justifier l'implication directe de l'armée américaine. Incitant la France à se battre jusqu'au bout, les États-Unis n'obtinrent de leur allié qu'une défaite écrasante qui ne permit pas à la France de négocier les accords de paix en bonne posture. Dès les accords de paix d'Évian, la CIA déploya, sous la direction d'Edward Lansdale, des équipes paramilitaires sur le terrain, avec plusieurs objectifs. Guerre psychologique, convaincre les civils du Nord, en particulier les catholiques, de passer au Sud, opération de sabotage au Nord et entraînement des forces policières et militaires du Sud-Vietnam. Pendant 9 ans, les États-Unis soutinrent le président catholique du Sud-Vietnam, Ngo Dinh Diem, convaincu qu'il était le plus à même de vaincre le communisme. La CIA, implantée à Saigon, créa de toutes pièces plusieurs partis politiques, des organes de presse et même une production de films nationaux. Les Viet Minh commençaient à s'infiltrer au Laos. La CIA y recruta les tribus Hmong, rebaptisées par eux Méo, dirigées par le général Vang Pao de l'ancienne armée royale du Laos. Ces troupes, déjà entraînées par les Français, furent formées à la guérilla anticommuniste et lancées contre les forces du Nord-Vietnam. La CIA renversa par ailleurs le gouvernement démocratiquement élu du Laos pour mettre en place un gouvernement plus favorable à ses intérêts. L'engagement américain s'étendait à toute la péninsule indochinoise. Kennedy, succédant à Eisenhower, renforça cette politique. Il ne voulait pas envoyer de troupes, mais demanda à la CIA de renforcer son action et de harceler le Nord avec ses alliés Hmong. Mais en octobre 1961, il fallut se rendre à l'évidence. L'envoi de soldats américains devenait nécessaire. On demanda parallèlement à la CIA de Saigon de renforcer son contrôle du gouvernement sud-vietnamien et au besoin de changer ce qui devait l'être. En 1963, Diem devenait de plus en plus inefficace et impopulaire par son oppression des moines bouddhistes. En juin, après le suicide d'un moine par immolation, dont les images firent le tour du monde, la répression se fit plus sauvage que jamais. Il fut donc décidé de laisser renverser le dictateur par son armée. Diem accepta de quitter le pouvoir, mais fut massacré avec son frère par sa propre armée. En août 1964, l'incident du golfe du Tonkin fit basculer l'investissement américain. L'administration Johnson annonça que 2 contre-torpilleurs américains venaient d'être attaqués au large du Nord-Vietnam. Cet incident, présenté de façon erronée, permit de faire voter au Congrès une motion autorisant une intervention militaire. Ce fut le début d'un engrenage mortel pour les États-Unis. En 1965, la CIA menait un grand nombre d'opérations clandestines de grande ampleur en liaison avec les forces armées de façon un peu similaire au rôle joué pendant la guerre par l'OSS. La CIA se chargeait également de fournir des estimations sur les forces en présence qui se révélèrent assez exactes, quoi qu'en dirent les militaires à l'époque. Par exemple, en 1967, elle annonçait une force ennemie de 270 000 hommes, bien au-dessus de l'estimation officielle de l'armée. En janvier 1968, le Vietnam du Nord lança une offensive généralisée dans tout le pays appelée « Offensive du Tet », qui obtint de grands succès. À partir de cette date, la CIA de Saigon devint pessimiste dans ses estimations sur les chances américaines de succès sur le terrain. Elle ne fut pas écoutée. Ses rapports furent systématiquement remaniés à Langley et à Washington. L'action la plus controversée de la CIA pendant cette époque fut le programme Phoenix, dirigé par William Colby de 1968 à 1971. Colby deviendrait par la suite directeur de la CIA. Il s'agissait de dresser des listes d'indigènes alliés de l'ennemi, qui pouvaient être des informateurs, des poseurs de bombes ou des assassins. Ces supposés traîtres du Viet Cong étaient ensuite arrêtés, torturés ou tués de diverses manières. On estime au minimum à 20 000 le nombre de suspects Viet Cong qui furent éliminés dans le cadre du programme Phoenix. Rien de tout cela ne permit d'enrayer la défaite du Sud en 1975. La CIA dut évacuer l'ambassade de Saigon de manière précipitée, abandonnant à la vindicte des communistes des milliers de Vietnamiens qui l'avaient aidé pendant les années fastes. Secrétaires, chauffeurs, guides et maîtresses furent livrés à eux-mêmes en attendant l'arrivée des soldats Viet Cong. Le témoignage qu'on va lire a une histoire peu banale. Frank Snepp fut l'analyste en chef de la CIA à Saigon de 1973 à 1975. Selon l'éloge rédigé par son chef de station, Tom Polgar, à l'occasion de sa décoration de la médaille du mérite, « Monsieur Snepp a démontré un grand esprit analytique, des ressources et une énergie inépuisables, ainsi qu'une connaissance hors du commun de la région. » En résumé, durant les jours les plus critiques de la présence américaine au Vietnam, M. Snepp a accompli une performance que je n'ai jamais vue égalée pendant mes longues années au sein du renseignement américain. Pourtant, de retour à Langley, Frank Snepp dut constater que son expérience n'intéressait pas vraiment la hiérarchie. Sa proposition de rédiger un rapport complet sur l'implication de la CIA à Saigon et en particulier sur l'évacuation qui avait sacrifié des milliers de Vietnamiens au service de l'agence, afin que la CIA puisse apprendre des erreurs commises, fut fraîchement accueillie, en plein scandale du Watergate. L'heure n'était pas à l'autocritique, mais à l'ouverture de parapluies. Snepp quitta donc la CIA pour rédiger le livre dont est extrait le texte qui suit. Préparé dans le plus grand secret, sa publication en novembre 1977 fit grand bruit dans la presse, mais provoqua la fureur de la CIA. Celle-ci déclencha une bataille juridique sans précédent, l'accusant d'avoir trahi l'accord de confidentialité signé lors de son embauche et de porter grand tort à l'agence. Celle-ci n'expliqua toutefois pas quel secret l'auteur avait dévoilé, son livre étant pour une large part consacré aux opérations militaires qu'il avait la charge d'étudier en tant qu'analyste et qui sont bien connues des historiens du conflit vietnamien. L'affaire remonta jusqu'à la Cour suprême, qui en 1980 donna entièrement raison à la CIA et, fait sans précédent, dépouilla l'auteur de tous ses droits sur le livre, l'obligeant à rembourser les avances perçues. Celui-ci n'a plus jamais touché un seul dollar sur les ventes d'un livre qui a d'ailleurs connu de nombreuses éditions et un large succès aux États-Unis. On pourrait penser que les États-Unis, après la sévère défaite du Vietnam, s'abstiennent désormais de toute opération hasardeuse dans la région. Pourtant, on a appris récemment que le général laotien en exil, Vang Pao, ancien chef des tribus Hmong, et agent rétribué de la CIA, faisait partie d'un groupe de 10 hommes arrêtés aux États-Unis le 4 juin 2007 sous l'accusation de complot militaire contre le gouvernement laotien. Selon le procureur américain en charge du dossier, des milliers d'autres conspirateurs restent en liberté, dont beaucoup dans d'autres pays. Les exilés Hmong en Californie sont évalués à 65 000 personnes. Un autre des responsables du complot, Harrison Ulrich Jack, a été un officier de la CIA en Asie du Sud-Est jusqu'en 1977. Selon le San Francisco Chronicle, Jack a confié aux policiers infiltrés parmi les comploteurs que la CIA se préparait à aider l'insurrection Hmong une fois que la prise de pouvoir au Laos aurait commencé. Le groupe disposait en tout cas d'un arsenal militaire impressionnant. Une livraison d'armes incluant des missiles Stinger était prévue pour le 19 juin. Lorsque la CIA a reformé dans les années 1960 l'armée secrète Hmong pour combattre les communistes laotiens et nord-vietnamiens, elle a dû tolérer, voire aider leur activité principale, à savoir la production d'opium. C'est ainsi que Wang Pao a pu utiliser la compagnie aérienne de la CIA, Air America, pour collecter l'opium sur les hauts plateaux reculés, mais aussi ouvrir des laboratoires d'héroïne dans le Triangle d'Or. Après le retrait américain, ces laboratoires, privés de la clientèle des soldats américains, se sont mis à exporter vers les États-Unis, capturant un tiers du marché de l'héroïne. L'implication de la CIA dans ce nouveau coup avorté au Laos n'est pas prouvée au moment où ce livre est achevé. Mais quel sens pourrait-elle avoir? D'abord, le Laos est une des dernières dictatures communistes sur la planète, ce qui n'est pas pour plaire à l'administration Bush. Il faut ensuite regarder du côté de la Chine, considérée par certains faucons de Washington comme le prochain grand ennemi, avec lequel une confrontation est inévitable. Dans ce contexte, le Laos prendrait une importance géopolitique neuve. Réactiver un vieil allié laotien anticommuniste et lui permettre de reprendre ses cultures d'héroïne, qui pourraient inonder les métropoles chinoises, présenterait un avantage certain. Encore une fois, l'implication de la CIA n'est pas prouvée, mais il reste à répondre à cette question. Qui devait payer l'arsenal des comploteurs, estimé à près de 10 millions de dollars?